mec, eh mec, pour qui tu te prends? Eh mec, ouais mec, mec, mec, quand tu respires, tu mens. Échec. Finis ton petit jeu, avec nous tu feras pas vieux. Si tu as réussi avec eux, c'est parce que tu connaissais les lieux. Mais ici mec, tu n'es pas Dieu, tu es seulement le paresseux. Et tu seras game over si on cligne des yeux. Oui, si on cligne des yeux. Écoute méca, je crois que tu nous connais pas. Tu peux pas débarquer ici et faire ta loi. Comment tu te permets de venir troubler notre paix? Tu débarques dans notre city et tu crées la zizanie au plus haut sommet. Alors on te demande d'abord s'il te plaît d'arrêter immédiatement, sinon la porte est là-bas car notre hôtel est complet. Ragazzo là, tu te gourres, tu ne comprends pas nos discours. N'insiste pas, on n'est pas des bourgs. Et quand tu parles de nous aux autres, on n'est pas sourds. Tu te gênais pas de dire des choses envers nos égards. Tu nous traitais même de connards. Dorénavant tu mérites même pas un regard de notre part. Alors dégage, pars très loin, sinon gare à toi. Car tu nous connais vraiment pas. Nous on n'a pas besoin de gens comme toi pour vivre nos vies. On a des vrais amis qui nous ont jamais trahis. Mais toi tu riais quand on avait des ennuis. Alors maintenant péris dans ton paradis, celui que tu as construit avec ton mode de vie. Tu t'accroches à nous comme une agrafe, puis tu traces en laissant deux trous après avoir causé tes gaffes. Oui mec, eh mec, pour qui tu te prends? Eh mec, ouais mec, mec, mec, quand tu respires, tu mens. Échec. Finis ton petit jeu, avec nous tu feras pas vieux. Si tu as réussi avec eux, c'est parce que tu connaissais les lieux. Mais ici mec, tu n'es pas Dieu, tu es seulement le paresseux. Et tu seras game over si on cligne des yeux. Oui, si on cligne des yeux. Alors ça, bravo, c'est le bouquet. Tu es encore là avec ton esprit mauvais. Et depuis que tu es ici, tu nous as tout fait. Oui, vraiment tout fait. On a pensé que tu voulais faire ton intéressant. Mais en fait, ta passion, ton but est de transmettre mal aux gens. Ok, parfait, mais maintenant on sait. Oui, on a appris qui tu es. Aujourd'hui, par ta faute, ils ne sont plus ensemble. C'était un couple tellement solide, notre exemple. Mais mon gars, là, tu as fait la plus grave erreur. Tu as blessé notre grande amitié, notre fierté, notre honneur. J'espère que ta vergogne te hantera jusqu'à ta dernière heure. Cependant la prochaine fois que tu nous croises, ça sera pas seulement pour te faire peur. Car cette histoire a pris trop d'ampleur. Pars très loin si tu veux encore respirer ton odeur. Ouais, mec, et te regarder et dans mec, une glace sans dire quelle horreur, mes deux yeux au beurre. Et mec, ouais mec, mec, mec, quand tu respires, tu mens. Échec. Finis ton petit jeu, avec nous tu feras pas vieux. Si tu as réussi avec eux, c'est parce que tu connaissais les lieux. Mais ici mec, tu n'es pas Dieu, tu es seulement le paresseux. Et tu seras game over si on cligne des yeux. Oui, si on cligne des yeux. Oui mec, eh mec, pour qui tu te prends? Eh mec, ouais mec, mec, mec, quand tu respires, tu mens. Échec. Finis ton petit jeu, avec nous tu feras pas mieux. Si tu as réussi avec eux, c'est parce que tu connaissais les lieux. Mais ici mec, tu n'es pas Dieu, tu es seulement le paresseux. Et tu seras game over si on cligne des yeux. Oui, si on cligne des yeux.